Activité 8. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission consacrée aux vacances. Aujourd'hui, nous allons vous parler du site internet Voyage Plus, qui propose des prix très intéressants pour voyager au bord de la mer. Jusqu'au 20 mai, profitez de promotions exceptionnelles sur les hôtels en France. Par exemple, vous avez 40% de réduction si vous passez 3 jours dans l'hôtel des 4 stars à Nice. Vous pouvez aussi gagner un voyage d'une semaine sur l'île de la Réunion. Pour participer, il faut appeler le 02 46 59 80 80 avant le 15 mars. Bonnes vacances à tous !